Ouais, en direct ça. Est-ce que vous êtes disco? Ouais. Yeah.

Putain, vous êtes chaud ce soir. Thank you. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes prêts pour une e-chanson en direct de Libot? Une e-chanson. Vous êtes prêts, e-public? Nous sommes le e-group. J'ai trop chaud, moi. J'aime pas avoir chaud comme ça. Oh non. Est-ce que vous êtes prêts pour le workshop? Thank you. Est-ce que vous êtes perché? Ouais. La cabane perché. Allez, Pauline. français. Ce moment est complètement débile. Thank you. Thank you. dernière.